Le carnaval, qu'est-ce que ça dit, et qu'est-ce que ça dit, et qu'est-ce que ça dit. Le bonheur, la la la la la la la la la la la. La bande le passe. Et puis c'est Boubou, la bande Boubou, et puis la plus belle bande c'est Bé et Dunkerque. Ah, tchoum!